acertons. On est posé, moins impatient. On fait aussi tout plus lentement. À 60 ans, on prend le temps de regarder passer le temps. À 60 ans, on est là à observer tous ces genoux speedés. Stressé, plus besoin de se lever pour s'en aller travailler. À 60 ans, l'on prend le temps de regarder passer le temps. À 60 ans commence la vie. Où ne rien faire est philosophie. On regarde tomber la pluie. On n'oublie pas de voir ses amis. À 60 ans, l'on prend le temps de regarder passer le temps. À 60 ans, on écoute son cœur. Enfin, on reconnaît le bonheur. Et finalement, on a compris que l'important dans la vie n'a pas de prix.